La troisième. C'est le titre. La troisième, elle revient. C'est toujours la première. Comme dit Gérard de Nerval. Bon, je vais d'abord vous lire un petit passage, enfin une petite, même un truc très important de Lacan, qu'on trouve dans le séminaire encore. Alors, je fais remarquer que l'inconscient, je n'y entre pas plus que Newton, sans hypothèse. L'hypothèse que l'individu qui en est affecté, de l'inconscient, c'est le même qui fait ce que j'appelle le sujet d'insignifiant, ce que j'énonce sous cette formule minimale qu'insignifiant représente un sujet pour un autre signifiant. Donc ça, c'est dans son séminaire encore, qui précède d'un an, un peu plus d'un an, la conférence de Rome, l'intervention de Rome. Alors c'est un point capital parce que justement, comme on vous le disait l'année dernière, et on l'a répété souvent, que la troisième est un texte que Lacan n'a jamais repris d'ailleurs après, qui prend tout son enseignement en perspective, et on y trouve à la fois un peu tout ce qui était avant et tout ce qui va venir, mais déjà très très avancé. Hein. Alors, quand il parle d'une hypothèse, Lacan, là, il ne s'agit pas de ce type de raisonnement où on fait semblant de poser une hypothèse alors qu'on a déjà la réponse préparée. Lui, c'est vraiment une hypothèse qu'il pose, elle n'est pas encore démontrée, et il va, à partir de là, justement, à partir de cette hypothèse, que l'individu et le sujet du signifiant sont équivalents, sont le même, et il va en produire une définition, une mutation d'ailleurs, de sa définition du sujet. Parce qu'auparavant, le sujet représenté par un signifiant pour un autre signifiant, c'est une pure fiction langagière. Hein, linguistique. Hein, linguistique, langagière. Hein, c'est une pure fiction. Et donc, on peut dire, et on lui a reproché pendant très longtemps, et lui, ça ne lui venait pas à l'idée, parce qu'il ne pensait pas à ça exactement, c'est que ça serait une pure, ça serait quelque chose de complètement inhumain, quoi, en gros. Hein, quelque chose d'ahumain, d'inhumain. Ça a entraîné beaucoup de critiques contre son enseignement et contre les lacaniens qui ne respectent pas les histoires, qui ne parlent jamais d'affect et toute cette série de choses qu'il n'est pas là. Et alors, il introduit justement, à ce moment-là, le terme de « par-l'être », dont la jouissance fait fiction, alors c'est avec un X, elle fait fiction d'un réel, le réel de l'inconscient et du symptôme, et du symptôme aussi, comme il l'écrit, qui sont noués comme une vis sans fond. Hein. Et le réel, il est au fond du trou. Là, c'est une nouvelle représentation, donc c'est l'individu. Alors, le par-l'être, dit-il, le par-l'être, c'est l'homme qui n'a d'être que de parler. Déjà, c'est une notion qui ébranle beaucoup toutes les catégories dans la philosophie de l'être. Alors, c'est ce que j'ai écrit là-haut, c'est l'homme de base, il écrit comme ça, qu'a un corps et n'en a qu'un. C'est-à-dire qu'autrement dit, il dit bien qu'il parle du corps, et il parle du corps pourquoi ? Parce que depuis plusieurs années, il a élaboré ce qu'il appelle, lui, le champ de la jouissance, dont il revendiquait en l'espérant qu'un jour on l'appellerait le champ lacanien. Ce qui n'a jamais été fait finalement avec lui, ni même affirmé chez la plupart des plus grands auteurs et des philosophes, que c'est quand même la jouissance qui mène la marche du monde, ou qui a eu un rôle beaucoup plus fondamental qu'on peut l'imaginer. Ça, c'est une chose très importante. Donc voilà. Alors, qui n'a qu'un corps, mais au sens où il l'a, mais ce n'est pas de l'être dont il s'agit. C'est un avoir, c'est pas un être, c'est pas de l'être. Hein. Alors, ce que parler veut dire, et ça c'est nouveau chez lui, c'est que la jouissance, elle est dans le dire. Et du coup, il ne va plus parler seulement de la transcendance de la jouissance, c'est-à-dire ce qui se disait avant, quand il disait que la jouissance est interdite à celui qui parle comme tel, c'est une des grandes phrases du début, qui fait que la jouissance serait au-delà de l'interdit, il faudrait transgresser. Là, au contraire, il va parler du fait de cette notion-là, il va parler plutôt avec le parlet de l'immanence de la jouissance. Autrement dit, que la jouissance, elle est partout. Elle est partout. Bon, je vais reprendre un peu plus tard. Ça, c'est très important. Le terme de saint homme qu'il avance, comme il l'écrit, le saint homme, c'est un terme ancien, donc c'est pas du tout un néologisme de lui-même. Ça définit chez lui toutes les formations de l'inconscient. Donc c'est une définition qui ne dit pas que c'est un retour du refoulé, comme il le disait auparavant, et comme ça se dit chez Freud. C'est partie même du fonctionnement de l'inconscient. Et il est noué à l'inconscient de façon irrémédiable pour toute la vie d'un être humain, on pourrait dire ça comme ça. Et c'est des formations de l'inconscient qui sont corrélées à la jouissance, quelles qu'en soient les modalités. Toutes les modalités de jouissance qu'on verra éventuellement avec le nœud borroméen. Du coup, ça a comme conséquence que ça positive le symptôme, ou le symptôme si vous voulez l'écrire comme ça, parce qu'il ne s'agit pas dans l'analyse de se débarrasser du symptôme, comme on pouvait le penser et comme beaucoup de gens le pensent encore dans la psychanalyse, il s'agit au contraire d'apprendre à savoir y faire avec, ce qui est complètement nouveau comme catégorie. Hein. Alors, ça positive la valeur du symptôme, et en même temps, cette approche, ça donne un coup de vieux à la dimension du déchiffrage. Hein. Comme on dit, on déchiffre, et parce que le déchiffrage suppose un manque, le manque de jouissance qui était supposé au-delà du signifiant. Là, au contraire, comme il réintègre le signifiant comme cause de la jouissance et pas simplement comme interdit, c'est complètement différent. Pour en arriver là, ça n'a pas été facile, il a fallu d'abord que Lacan introduise le terme de la langue en un seul mot, hein. Et vous savez, si vous vous mettez à l'écrire dans des phrases, c'est des fois très difficile. Parce qu'on ne peut pas dire « les la langue ». Il faut toujours garder la langue comme ça. Donc ça, il l'a sorti une première fois en 72. Il avait envoyé un type au tableau qui faisait le malin comme ça. « Écrivez-moi ça au tableau ». Et évidemment, le type, il l'a écrit comme on l'écrit habituellement. L'autre lui a dit « non, c'est pas comme ça que ça s'écrit ». Donc la première fois, il l'a fait lire à tout le monde comme il l'écrivait. Et puis, c'est venu un tout petit peu dans la même période, dans un autre texte, que son séminaire ou pire, qui s'appelle L'étourdi, qui est d'ailleurs une reprise, de fait, un an après de L'étourdi, il a sorti le terme, à ce moment-là, de parlettre. Donc, vous voyez, la langue parlettre, ça se conjoint, c'est parce qu'il se permet de faire ça. Pourquoi? Parce que, pour lui, il s'agit de la langue parlée. Or, la langue parlée, elle permet, par, disons, son agrammatisme éventuellement, hein, par exemple ici, ou éventuellement par dysorthographie calculée, de modifier le sens des phrases, le sens des mots, toutes ces choses-là. C'est ça qui lui permet d'avancer dans toute cette série de néologismes qu'il va produire à ce moment-là. On en a répertorié à peu près 789. dont la plupart ne passeront probablement jamais dans la langue commune, mais enfin il y en a quelques-uns peut-être qui resteront. Voilà. Alors, le parlet, vous voyez, c'est cette différence du sujet. Parce qu'évidemment, cette histoire du sujet, du signifiant, on ne savait pas très bien où c'était ce truc-là. Ça pouvait être un sujet de pure logique, hein, calcul logique pur. Donc il y avait toute la théorie des jeux qui était derrière toutes ces histoires-là. Tandis que là, en réintroduisant le corps, en réintroduisant l'individu, il revient à quelque chose de plus audible. Et il distingue son parlettre de ce que disent, par exemple, des gens comme Foucault, comme le sujet du sens, le sujet de l'herméneutique. Il se distingue d'eux parce que, justement, ça n'a pas de sens. Hein. Ça, c'est très important. Ça a une touche de réel, mais ça n'a pas de sens. Alors, le parlettre, en définitive, vous trouverez cette définition nulle part aussi ramassée que je l'ai fait. C'est le sujet pris comme individu, donc identifié comme tel, alors que le sujet du signifiant, on l'identifie aussi bien dans le collectif que dans l'individuel, hein, pris comme individu, qui a un nom propre d'ailleurs, qui a un corps, donc il ne va pas au-delà de la vie du corps, qui a un symptôme ou un symptôme, qui a un inconscient, une jouissance spécifique qui lui est propre, et une histoire qu'il situe dans une filiation, disons, symbolique, beaucoup plus que dans une simplement une filiation biologique. Et introduire ce terme de jouissance est très important, parce que s'il n'y a de jouissance que du corps, alors promettre la jouissance pour l'éternité, comme pour ceux qui auront leurs 40 vierges au cas où, hein, nous, en fait, l'Église catholique, elle a un peu tamponné ça, parce qu'elle a dit, bon, après la mort, il y a le paradis, mais avant d'y aller, il y a quand même le purgatoire, qui n'a pas l'air d'être un endroit très marrant, et on ne sait pas au bout de combien de temps on va en sortir. Bref, il n'y a pas de jouissance éternelle. Ça a comme conséquence que ce qui se passe dans la vie quotidienne de chacun, c'est extrêmement important, et c'est ça qui compte. Et c'est ce à quoi on a à tenir compte dans la psychanalyse. Se passe tous les jours pour chacun. Voilà. Alors, on va écouter ce petit bout de passage. Oui, je voudrais quand même, parce que tu as exposé quelque chose de très dense. Oui. Donc, essayer de ramener ça à des considérations peut-être mnémotechniques un peu plus, disons, simples, sans être simpliste. C'est-à-dire que ce qui motive, je crois, la rigueur lacanienne dans son choix terminologique, c'est que l'individu, étymologiquement, c'est quelque chose qui n'est pas divisé, puisque individu, ça veut dire qu'il n'est pas divisé. Donc le sujet, par essence, est divisé. Donc de ramener l'individu dans une équivalence au sujet lui demande de passer par quelque chose qui va être ce terme de par-l'être, qui n'est pas encore en usage, parce que c'est quelque chose qui a du mal à prendre, justement par le fait que le sujet c'est quelque chose de très ancien, c'est-à-dire c'est upokeimon en grec, et puis donc là il faut lire peut-être le livre de Foucault, son cours au Collège de France, parce que même pour ceux qui ont du mal avec des textes un peu difficiles, ça c'est quand même très facile à lire, l'herméneutique du sujet, et donc c'est l'histoire de ce sujet-là. Et le sujet lacanien, ce n'est justement pas ça, puisque le sujet, c'est un effet du signifiant. Ouais. Donc, c'est quelque chose, c'est une réponse du réel au fait que même le corps lui-même est pris dans le signifiant. Donc, ce sujet-là, évidemment, il est inaudible, puisque tout le monde se rabat sur « ben oui, on sait ce que c'est qu'un sujet. Un sujet, c'est quelqu'un, etc. » Non, c'est pas ça. C'est justement pas quelqu'un, un sujet. Puisque c'est un effet du signifiant, et il ne correspond jamais à un signifiant puisqu'il est entre deux. Donc ça, c'est le premier élément, donc, puisqu'on va, on va voir avec le par-l'être, etc. Et après, je voudrais articuler, essayer en tout cas, de voir justement comment on passe du symptôme au symptôme. C'est-à-dire qu'il y a quand même une étape, c'est-à-dire qu'au départ, la cure analytique est censée résoudre le symptôme. Mais au bout d'un certain temps de pratique, il s'avère que le symptôme résiste. Il y a quelque chose dans le symptôme qui résiste et qui n'arrive pas à être résolu. Donc c'est là où justement il s'éprouve le symptôme comme une jouissance. Et cette jouissance-là, c'est ce dont il est le plus difficile de se défaire. Donc c'est là où le symptôme fait son apparition, parce que où il y a une positivation du symptôme en symptôme, puisque le tuer cela, des Upanishads, c'est le symptôme. C'est-à-dire, il faut que je l'illustre là, c'est très... on l'a à portée de la main, ça. C'est tout. Si vous voulez, dans les schémas qu'on a déjà exposés ici, dans sa définition du sujet comme sujet du signifiant, Lacan situe le symptôme ici. C'est une signification de l'autre. Hein, il fait. Or, sa définition du symptôme, à partir du moment où il réintroduit la jouissance, parce que de ce côté-là, c'est que de la signification, ça, il va apparaître ici, le symptôme. Hein, voyez, c'est-à-dire qu'il le descend d'un cran, parce que ça c'est une, ça c'est antégrade et ça c'est rétrograde, hein, progradient et régrédient. Il le fait glisser ici, il le met à cette place-là, le symptôme. Et c'est pour ça qu'il va faire cette espèce d'opération qu'on a vue un petit peu l'année dernière, je préfère le mettre là, oui. encore un petit, voilà. À Rome, le premier schéma qu'il donne, vous voyez, il a la théorie, encore, de pouvoir, le symptôme étant une irruption du réel dans le symbolique, par petites interprétations, arriver à le réduire, et il lui dit d'ailleurs l'expression, à le dissoudre dans le réel. Il fait ça, hein. Ça, c'est son premier schéma. Tandis que ultérieurement, il va considérer, sur cet autre schéma, vous allez voir qu'il y a une variation, c'est l'année suivante, et ben non, il va faire autre chose. Il va donc, à la place de ce qu'il mettait comme symptôme dans le premier schéma, il va y mettre que c'est le phallus, au sens de signification, bien sûr. La signification, c'est le phallus, c'est la signification. Donc, tout ce que rate le discours, on dit toujours c'est le phallus, en gros, hein, c'est ça que ça veut dire. Et il va le loger, au contraire, comme irruption du symbolique dans le réel. Hein, vous voyez ici, sur ce schéma ici. Et il va le nouer, justement, quand je disais que c'était comme une vis sans fin, à l'inconscient qui est ici. Voilà, ça c'est des sauts importants. Voilà, on a quelques éléments pour repérer les changements. De toute façon, on explicitera petit à petit ces choses-là. Hein, voilà. Voilà, parce que juste, j'ai fini une minute, donc, puisque l'extrait qu'on va entendre commence par « Mon se jouit d'introduction ». Là, ça nous renvoie justement à la notion de jouissance. Donc on a vu au départ qu'il faut avoir un corps pour jouir, mais que, en fait, on l'a vu l'an dernier, la jouissance phallique, c'est la jouissance du blabla, la jouissance de la parole. Et donc ça va être le début de l'extrait qu'on va voir. Donc comment articuler cette jouissance-là? Je ne sais plus du tout ce que je voulais dire. Bon, son se jouit, ça indique déjà. Ah oui. Son se jouit, ça indique quand même quelque chose. Ça veut dire, on ne peut pas dire, il n'y a pas de je jouis. Oui. Il y a un sujet du signifiant, qui est souvent d'ailleurs le sujet du verbe. Ensuite, il faut trouver que c'est le sujet de l'énoncé. Mais dans l'énonciation, il n'y a pas de je qui est pu être dit. Donc c'est se jouit, c'est le corps qui se jouit de lui-même d'avoir été corporisé, donc fait corps, par le signifiant. C'est des trucs freudiens. Freud, il dit pareil pour le corps érotique, c'est ça. Ça se constitue à partir des zones érogènes, à partir de la pulsion. Et alors vous avez dans le schéma de son nœud borroméen, dans lequel on est en train de rentrer dans la voie borroméenne, dans la voie du nœud. C'est quelque chose de radicalement changé dans son enseignement. Et vous allez voir qu'ici, l'objet ptital, ce qui reste comme production de l'effet du signifiant sur le corps, c'est-à-dire ce qui fait les zones érogènes, c'est le premier noyau élaborable de la jouissance. Alors voilà une modalité de jouissance qui s'appelle chez lui le plus de jouir. Non seulement ça commémore la perte de jouissance, mais en même temps il y a un petit bonus, on récupère un peu quand même. Quand on parle, on récupère un peu de jouissance qui avait été perdue. Et il y a d'autres modalités de jouissance. Tout ce qui est autour, là, c'est, vous avez la jouissance phallique qui est ici, qui est une autre modalité de jouissance, c'est la fameuse jouissance du blablabla. Vous avez aussi ici la jouissance au sens du sens, c'est-à-dire, il écrit « jouit sens », c'est-à-dire quand j'entends le sens, ça procure chez moi un sentiment de plaisir ou de jouissance. Et puis vous avez aussi cette fameuse jouissance de l'autre qui était auparavant désignée comme impossible, parce que l'autre n'existe pas, mais qui est en même temps la jouissance dans laquelle le corps baigne et qui nous échappe. On ne sait pas comment le corps jouit, puisqu'il fait du corps une substance jouissante. Vous voyez, donc, voilà, toutes ces mis un petit peu en place dans ce schéma, mais on l'explicitera petit à petit. Moi, ce que je voulais souligner, c'était la bascule radicale, la mutation de ce qu'est le sujet pour Lacan, qui se dégage voilà. De ce qu'était avant, et son introduction, sa mutation en par l'être. Voilà. Donc ça veut dire que le sujet, il est divisé entre quoi et quoi, très simplement, entre le sens et le non-sens. le fait qu'il soit entre deux signifiants fait qu'il est absent de tout sens quand il est entre deux signifiants. Donc c'est pour ça qu'à Rome, quand il parle à Rome, justement, le lieu de la religion par excellence, il va mettre dans la conférence de presse préalable la psychanalyse comme la seule possibilité de, disons, de combattre la puissance de faire du sens de la religion. Parce que la psychanalyse réintroduit la possibilité du non-sens. Ça, c'est un problème logique, c'est exactement la manière dont fonctionne le sujet du signifiant. Donc il faut ramener aussi la notion d'autre, parce qu'une des occurrences de l'autre, c'est justement le partenaire inhumain, c'est-à-dire l'aspect inhumain qu'on reproche à Lacan. Justement, lui, il réintroduit cette notion-là, derrière laquelle il y a toutes sortes de concepts, dont la divinité, etc. Lui, il permet de réarticuler sur un plan logique. C'est toute cette dimension-là de l'altérité et de la jouissance. Bon, donc voilà, je pense qu'on peut passer... Bon, la philosophie, ça existe, hein, vous savez que ça existe. Mais le discours de la philosophie, au fond, il est tenu par des penseurs. C'est un personnage tout seul, un bonhomme tout seul, qui se met à penser et à faire des élaborations théoriques, qui nous ont amené où on en est là, quand même. Tandis que ce qui est différent avec la psychanalyse, c'est que l'invention de la psychanalyse par Freud, elle part de ce que on entend quiconque parler sur un divan. Donc il y a un témoignage, c'est presque un sondage, et il élabore son discours qui n'est pas du tout le discours d'un penseur, qui est le discours, au contraire, de quelqu'un qui est logique dans sa façon d'aborder ce que lui disent les sujets. Et c'est là-dessus qu'il fait une théorie. Voilà, il y a quand même une nuance entre les deux disciplines qu'il faut souligner. Hein. C'est-à-dire que on peut dire que ça donne des assises aux nouvelles philosophies, mais qu'en même temps, ça se détache du fait que c'est avant tout une pratique quotidienne de l'analyste avec des analysants. Et oui, l'analysant lambda, comme on peut le dire, c'est ça qui est important. Bon. Mais sur un autre point, on peut dire que Lacan sauve la philosophie, oui, de son impasse en inventant l'objet petit a, justement. Donc il n'y a pas d'opposition puisqu'il considère Socrate comme le premier analyste. Bon. Dans ce jeu d'introduction, ce qui pour vous en est le témoin, c'est que votre analysant présumé se confirme d'être tel. À ceci, qu'il revienne. Est-ce que je vous demande pourquoi est-ce qu'il reviendrait, hein? Vu la tâche où vous le mettez, hein? Si ça ne lui faisait pas un plaisir fou. Hein? D'autant plus souvent, enfin, il emmène un verre à nouveau qui fasse encore d'autres tâches, hein, pour satisfaire à notre analyse. Il se jouit de quelque chose, et non pas de tous, je suis. Parce que tout indique, tout de la même, par vous, indiqué, vous ne vous demandez pas du tout simplement de d'assailler, d'être là, que moi, je suis maintenant, mais plutôt et tout à l'opposé de mettre à l'épreuve cette liberté de la fiction, de dire n'importe quoi, qui en retour va s'avérer être impossible.

je sois une droite ronde, ou que ce soit deux droites, et tout à fait libre. Ce qui est bien la définition du nœud borroméen. Alors, en vous disant tout ça, j'ai le sentiment, enfin, je l'ai même noté dans mon texte, enfin, que le langage, c'est vraiment ce qui... ne peut avancer qu'à se tordre et à s'enrouler, à se contourner et d'une façon, enfin, dont après tout, je ne peux pas dire que je ne donne pas ici l'exemple. Il ne faut pas croire. Vous dire deux mots sur l'usage qu'il fait de ce schéma. Bon, vous avez vu, l'important pour lui, avec le nœud borroméen à 3, c'est qu'on coupe un des ronds et les deux autres sont libres. Ça, il a toujours expérimenté cette chose-là et dit dans tous les nœuds qu'il a inventés. Donc quand il inventait un nœud qu'il faisait au tableau, il faisait vérifier par quelqu'un qui travaillait avec lui, qui s'appelle Pierre Soubrie, qui était un topologue absolument génial, un jeune mathématicien, qui vérifiait si ses hypothèses, que c'était ça, il fait des hypothèses, si ses hypothèses étaient justes. Alors ce nœud-là, vous voyez bien qu'il présente, c'est pas un nœud à trois ronds. Simplement, il dit que les propriétés des lignes, des deux droites infinies, c'est un cercle, c'est-à-dire que ça se boucle à l'infini, donc c'est bien un nœud borroméen. Et c'est une chose importante à souligner, parce que si vous coupez une droite infinie, vous avez deux demi-droites. Par contre, si vous coupez simplement le rond, vous aurez un bout de ficelle. Vous voyez qu'il y a des propriétés qui changent du point de vue de la structure, rien que ça. Ça, c'est des choses qu'il explore, ça. Voilà, c'est intéressant. Je voulais simplement souligner ça, je ne veux pas aller plus loin. Et l'autre point qui est très important, c'est que ces histoires de nœuds, ça l'intéresse justement parce que la langue, elle est faite de ça. C'est-à-dire qu'elle s'entortille, elle fait des boucles, elle fait des choses comme ça. Ce n'est pas quelque chose de linéaire. Et ça, c'est ça qui est très important chez lui. C'est pour ça que cette catégorie de la langue qu'il nomme comme telle donne ce que ça veut dire que la langue, en gros. C'est cette propriété de la langue de faire des boucles qui s'entordent les unes avec les autres. Et qu'un symptôme, au fond, pour lui... c'est un nœud signifiant, et que si on intervient au bon endroit, qui en fait la bonne interprétation, pas au niveau du sens, mais au niveau signifiant, si on fait la bonne coupure, eh ben le nœud se défait, et il y a des bouts de symptômes qui se réduisent grâce à ça, hein, et que ça se simplifie. C'est pour ça qu'on passe, par l'intermédiaire d'une cure, à partir de symptômes comme signification, à force de travailler dans l'interprétation, on le réduit à sa structure. C'est-à-dire qu'on en fait symptôme pour le sujet, et c'est un gain de jouissance, et c'est là-dessus qu'il va travailler. C'est pour ça qu'il fait ce passage-là, du symptôme au symptôme. Hein. Bon, on le reprendra, mais c'est simplement pour vous donner des repérages. Comme ça. Bon, alors... Justement, il finit son petit passage là par quelque chose qui peut passer un peu inaperçu. Dans tout ce qui nous concerne, à quel point nous en dépendons. Donc là, comme on avait commencé sur le se joui d'introduction, et quand juste avant l'extrait, on parlait de psychanalyse et philosophie, on revient sur justement ce qu'est une lecture pour Lacan. Une lecture, c'est une interprétation. Donc, il interprète le cogito de Descartes. Je pense, donc je suis. Au lieu que ce soit quelque chose qui aille de soi, il en propose une interprétation, et plus qu'une interprétation, il en fait un vel, c'est-à-dire un choix forcé. Le choix forcé qui va être celui de la sexuation entre le « je pense » et le « je suis ». Donc le « je suis », on a vu qu'il était impossible. Donc ça, c'est le premier enseignement de Lacan, c'est-à-dire la jouissance est impossible à celui qui parle en tant que tel. Mais il y a une possibilité de retrouver la jouissance par le « je parle ». Donc à partir du « je parle », qui est une occurrence du « je pense », puisque c'est la même chose, se jouit. Donc se jouit. Et c'est là où il y a une possibilité d'interprétation. Et à se tordre et à s'enrouler, c'est justement parce que seulement par la parole s'activent les trois registres de l'imaginaire, du symbolique et du réel. Donc quand la parole se déploie, simultanément, elle tourne sur elle-même et présente imaginaire, symbolique et réel tout le temps, de telle manière que les nœuds apparaissent. Donc effectivement, la cure, la talking cure, la cure par la parole, c'est du domaine de l'interprétation psychanalytique qui est de savoir lire, ça veut dire savoir entendre ce qui est dit. Lire, interpréter et entendre sont considérés comme des synonymes pour Lacan. Et donc entendre, c'est ce qu'il nous donne à faire à travers cette troisième. Voilà. Donc, et c'est dans le vôtre, alors on revient, puisque dans cette écoute-là, on revient sur les discours, la structure, donc c'est que de la structure même, donc ce de quoi, grâce à la dimension logique qui est la sienne, c'est-à-dire de pouvoir réarticuler cette notion de sujet comme divisé, ce qui n'est pas le cas donc du sujet de la philosophie. Le sujet de la psychanalyse est un sujet divisé. Donc cette division du sujet, on l'avait vu puisque c'était le séminaire de, pas l'an dernier mais celui d'avant, avec ton séminaire sur les quatre discours. Donc il y a la vérité et il y a le semblant. Le signifiant, donc c'est un semblant qui vient en lieu et place du réel qui est inaccessible. Ce réel-là n'est pas quelque chose auquel on puisse avoir accès, si ce n'est après coup, en remontant une chaîne, c'est-à-dire c'est un procédé rétroactif. Dans la manière dont Lacan articule ces quatre discours, le discours de l'analyste n'est pas un discours qui en impose aux autres, mais c'est à partir de ce discours-là que peut se dévoiler la structure des autres discours. Par exemple, qu'on peut situer aujourd'hui quel est le discours dans lequel notre société est en train de vivre, le discours dominant, hein, le discours capitaliste, par exemple, qui est une excroissance du discours universitaire, c'est le discours dans lequel nous sommes pris en tant que sujet, parce qu'il faut pas se leurrer trop, c'est-à-dire qu'on a l'idée que nous sommes chacun unique, etc. En vérité, notre sujet est pris dans le discours tout le temps. C'est ça, son truc de à quel point nous en dépendons, je ne fais pas ça de gaieté cœur, etc. C'est-à-dire que nous sommes pris quelque part, et là où le par-l'être, justement, c'est pour ça que c'est peut-être intéressant de réintroduire ce thème de par-l'être, le par-l'être épuisera cette insistance qui est la sienne, c'est-à-dire qu'il y a un moment où les autres discours s'arrêtent, c'est-à-dire qu'ils tournent en rond, alors que dans l'analyse, il y a une possibilité justement de récupérer le sens par rapport au non-sens et non pas par rapport au sens commun. Voilà. Ce sont des notions un peu complexes, mais normalement, par rapport aux épisodes précédents, on devrait faire la jonction. Alors, il donne une définition, alors que c'est assez rare d'ailleurs, parce que le sujet est représenté par un signifiant pour un autre signifiant qui ne le représente pas. C'est pas une définition du sujet, ça. C'est une définition du signifiant pour lui. Par contre, il va donner une définition du sujet en disant que le sujet, c'est la fente. Alors rappelez-vous Fontana qui fait « Le sujet, c'est la fente, justement, dont se définit le réel. » Donc c'est un trou, le sujet. Et en ce sens-là, le sujet, il est réel, hein, pas au sens de réalité. Et le sujet ne s'identifie pas dans l'individu, sauf depuis qu'il le réarticule à partir du par-l'être. Hein? C'est-à-dire que quand nous sommes, quand nous parlons, nous savons bien qu'il y a quelque chose de réel dans ce qui nous touche, ne serait-ce que par la jouissance qu'on en éprouve ou par d'autres manifestations d'affect, que ce soit bien sûr les grands affects habituels, mais aussi il y a des affects du réel qui ne dépendent pas des représentations, c'est par exemple l'horreur. Donc on a intérêt, quand on rencontre l'horreur, d'essayer de broder autour des termes pour la supporter. Il y a aussi le goût. Le goût, originairement, il est sans représentation. Et ce n'est qu'un plaquage langagier qui fait que les normes sociales organisent le goût qu'il faudrait avoir pour être dans le coup, en gros. Hein, c'est un peu ça. Tout ça, c'est des choses que tout le monde éprouve, un rapport au réel qui est le sien, et quelque chose qu'il n'arrive jamais à dire. C'est-à-dire, c'est jamais ça. C'est jamais ça, c'est jamais ça. C'est pas ça que je voulais dire, j'arrive pas à le dire, et donc la moulinette s'emballe comme ça. Et c'est très important parce que dans cette histoire de la règle fondamentale, la règle fondamentale, c'est de dire, ce qui est un truc impossible bien sûr, c'est de dire aux gens, vous dites-moi ce qui vous passe par la tête, sans réfléchir, sans juger, sans chercher à comprendre, et sans le préparer à l'avance. C'est-à-dire, c'est jamais suivi ce truc-là. Et de toute façon, on en a l'expérience dans l'histoire de la psychanalyse, on sait que ça va déboucher sur quelque chose. Pour les premiers quatre, évidemment, lui, il savait pas ce qu'il allait trouver, lui. Hein. C'est pour ça qu'il a fait un certain nombre de bêtises dans sa pratique, que on ferait épingle comme étant des saloperies, alors que ça n'a rien à voir avec ça. Il était tout seul, donc il faisait ce qu'il pouvait. Et de procéder ainsi, ça se démontre que, de toute façon, on ne dit jamais n'importe quoi, même si ça n'a pas de sens. C'est qu'on fait des touches du réel, et que c'est ça qui va permettre au sujet de trouver de nouvelles assises dans l'existence, à commencer par, après tout, je ne peux pas tout comprendre. Hein? Qu'il y a des choses impossibles, ça vous libère quand même dans l'existence. Il y a quand même des trucs impossibles, et tant qu'à faire, si on arrive à les reconnaître, pas impuissance, je ne parle pas de l'impuissance à faire, hein, des impossibles, ça soulage quand même un peu, quoi, en gros. Voilà, je voulais dire qu'un peu comme ça, dans cette histoire de la règle fondamentale. Et évidemment, bon, ben maintenant, l'histoire de la psychanalyse dure depuis quand même 120 ans, pas loin, quoi. C'est un tout nouveau discours, c'est rien du tout à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Hein. Est-ce que ça va tenir la route? Ce qui est très important, c'est que ce discours analytique qui est écrit ici, Lacan, comment il a construit ce truc-là, lui? D'abord, il ne l'a construit qu'à partir de l'expérience de la cure, hein, comme Freud. Ça vient pas du ciel, ça vient pas des lectures, ça vient d'une expérience pratique. C'est pour ça que Freud, en particulier, il a écarté la philosophie. Hein. J'ai pas lu Nietzsche, c'est pas vrai, il l'a lu aussi, mais il avait la trouille de tomber sur Nietzsche, avec Nietzsche sur des intuitions qu'il avait, donc il faisait comme s'il n'était pas influencé, c'était des choses comme ça. Il voulait pas entendre parler de philo, alors que, évidemment, c'est un type qui avait lu aussi la philosophie. D'ailleurs, il parle de Platon très bien et de Socrate aussi. De Schelling. Oui, il parle de... Mais voilà, c'était ça sa démarche. Alors, pour vous expliquer comment ça fonctionne, le truc, c'est que, après tout, la psychanalyse, c'est une des seules pratiques qui part de la parole. Hein. Le moyen de la psychanalyse, c'est la parole. Ce n'est pas le transfert qui est un moyen. Le transfert, c'est un résultat, et c'est aussi une possibilité de résistance. Ce n'est pas bien qu'il y ait du transfert, mais il y en a. C'est comme ça, on n'y peut rien. Mais c'est surtout que c'est le moyen de la parole. Et toute parole, alors Lacan, il le pointe d'une façon très bien, toute parole s'énonce à partir d'un lieu de vérité. C'est-à-dire que quand vous parlez, vous dites toujours la vérité. Si je vous dis, en ce moment, dehors, il y a un orage, vous allez regarder, vous dites, mais non, il pleut pas, il délire. Si c'est vrai, moi je dis que c'était... Ce que j'ai dit, c'est vrai, j'ai dit qu'il pleuvait. Ça ne veut pas dire que c'est du réel. Hein? Vous voyez ce que ça veut dire? Donc, d'un lieu de vérité. Et ça part en deux vecteurs. Un vecteur qui va, ce que Christian vient de dire, le semblant. Le semblant, c'est pas n'importe quoi, c'est pas faire semblant. Le semblant, c'est le signifiant, c'est-à-dire c'est une représentation, c'est un représentant du réel. Donc ça va vers le semblant, il y a un des vecteurs qui va vers le semblant, donc il y a un pôle de semblant. Quand on parle, on manie des semblants, c'est-à-dire qu'on manie des termes, et puis pendant qu'on parle, d'une certaine façon, c'est plaisant, donc il y a de la jouissance, il y a un pôle de jouissance. Vous voyez, on a déjà un pôle de vérité, un pôle du semblant, un pôle de jouissance, et quand on parle, on n'arrive jamais vraiment à dire ce qu'on voudrait dire, il y a la production d'une perte qui est ici. Voilà quatre termes qui va permettre à Lacan de construire ce qu'il appelle une structure quadripartite, hein, et qui sera vraiment la structure que Lacan maniera pendant tout son enseignement, y compris avec le nœud borroméen. Vous suivez à peu près ce que je dis ? Je peux continuer ? Bon. Alors, à partir de là, parce que c'est la psychanalyse qui a permis d'articuler les discours. Avant, on n'a jamais trouvé des trucs comme ça. Hein ? C'est il part de cette histoire-là et il construit quoi ? Ben, il construit, lui, ce qu'il appelle le discours de l'analyste, qui est ici. Hein ? C'est-à-dire que le semblant du côté de la vérité, c'est un objet perdu, au moins on est sûr qu'il y a réellement quelque chose de perdu, vous voyez ? Et que, à l'origine du lieu de la vérité, puisqu'il y a un lieu de la vérité, il y a un savoir, hein ? C'est le savoir inconscient, supposé par Freud. Il suppose que l'inconscient, ça existe. Freud, il suppose pas le sujet, lui. Il suppose que l'inconscient existe. Hein, c'est ça qui est important. Et donc, il peut construire bon, ici, il y a un savoir qui rejoint le semblant que serait cet objet perdu et qui mène aussi à la constitution de là où, justement, il y a de la jouissance, où il y a du savoir... ou du travail, c'est-à-dire que l'analysant il est au travail, c'est là qu'il place sa fameuse lettre du sujet divisé, vous voyez, qui est là, et en dessous, il met ce qui se produit dans l'analyse, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure où il avance, l'analysant fait tomber les signifiants maîtres auxquels il était assujetti et qui le rendaient malheureux. Il abandonne, c'est des termes qui étaient des termes maîtres, il les laisse tomber, des préjugés, hein. Vous suivez ça, ça se suit. À partir du moment où il a sa structure de base, il suffit de faire tourner les lettres dans un sens progrédient, c'est-à-dire aiguille d'une montre, ou régrédient, et on obtient l'articulation de quatre grands discours. Voilà, c'est comme ça qu'il le repère. Discours du maître, le signifiant représente un sujet pour un autre signifiant qui ne le représente pas. Il fait tourner les lettres, il a le discours universitaire. C'était un sens qu'il faut suivre comme ça. Le discours de l'analyse qui était là et le discours d'hystérique qui est ici. Bon, je ne vais pas développer tout ce qu'il en fait. Mais voilà, j'insiste sur le truc de la découverte et de l'insistance chez Lacan de l'invention de cette fameuse structure de langage incorporé. Ce n'est pas la langue, puisque quand c'est incorporé, ça se fige en langage. L'inconscient est structuré comme un langage. Cette structure de langage incorporé nécessite, pour être approchée, quatre termes. Quand évidemment vous faites tourner les lettres, à la place où elles se situent dans chaque discours, elles changent un peu de sens, bien sûr. Hein. Le sujet, par exemple dans le discours du maître, le sujet qui est dans l'inconscient, parce que le premier sujet dans le discours du maître, c'est le maître. C'est lui. Le terme de sujet, ça veut dire assujetti. Hein. Dans le monde moderne, on pense que je suis le sujet de la libre entreprise. Hein. Donc c'est moi qui décide de tout. Et sur Facebook, c'est ça. Je décide de tout, je fais ce que je veux, personne ne m'influence, et tout, alors qu'on passe son temps à être assujetti à tout ce qui se passe autour de nous. Cette structure quadripartite, il va la garder jusqu'à la fin, et vous allez voir. Juste un petit passage rapide. Bien entendu, vous en avez un sur le graphe du désir. Les quatre termes de la structure, c'est une modulation de la structure qui est ici. Hein. Et vous avez, là, dans le nœud borroméen, manque de peau, dans celui-ci qui est le suivant, on ne trouve plus la structure quadripartite. Ça ne va pas durer. Hein. Parce qu'on n'a pas, on ne sait pas où, il n'y a pas les... On a du mal à se repérer. Mais ça va tellement tracasser Lacan qu'il va finir par introduire la question... Comme ça, vous allez voir, je vais faire des parcours très rapides qu'on reprendra pendant l'année. il va dire que non. Les trois ronds à l'origine, réels, imaginaires et symboliques, ils sont noués par un quatrième terme, celui qu'il va appeler le saint homme, hein, qu'on avait mis en haut tout à l'heure. C'est-à-dire que la question qu'il va poser à la fin de son enseignement, où il retrouve cette question fondamentale, il va dire, est-ce que quand les trois ronds sont noués, quand on parle, comme l'a rappelé Christian, on manie à la fois le réel, l'imaginaire et le symbolique. Il y a du réel, il y a de l'imaginaire et du symbolique quand on parle. Est-ce que quand ils sont noués tous les trois, le quatrième terme est implicite? C'était son point de départ, vous voyez ici. Le quatrième terme, il est implicite quand il y a les trois ronds. Mais il va poser à ce moment-là la question de nous. Il dit, est-ce que par hasard, justement, il faut qu'il y ait d'abord le saint homme, pour que, donc, c'est-à-dire l'incorporation de la structure chez le sujet, est-ce qu'il faut d'abord qu'il y ait le saint homme pour que les trois ronds soient unis? C'est-à-dire qu'il parle de l'enfant, il dit que l'enfant, il ne parle plus de l'Œdipe à l'époque, il dit qu'il faut que l'enfant il apprenne à faire le nœud. La question, c'est une façon de parler de l'Œdipe sans plus parler de l'Œdipe. Parce que l'Œdipe, bon, c'est un mythe qui a été utile à un moment donné, mais avec les articulations logiques, on n'en a plus besoin de la même façon. Il faut que l'enfant, il apprenne à faire le nœud. C'est vrai qu'à voir les enfants, comment ils se débrouillent avec leurs lacets de chaussures, ils ont énormément de mal à faire des nœuds, parce que quand l'adulte veut leur montrer faire des nœuds, il est en face. Et donc l'enfant, il regarde et il ne peut pas, puisque c'est à l'envers, il ne peut pas faire son nœud. Il met un temps fou un jour à comprendre qu'il faut qu'il se regarde comme ça pour faire. Donc il va poser cette question, est-ce qu'il faut un quatrième terme explicite pour que les trois ronds soient noués? Parce que quand vous n'êtes pas là, il y a du symbolique, puisque le langage parlé, il se véhicule, il était là avant notre naissance, il sera là après notre mort, peut-être même après la mienne aussi, je ne sais pas. Il y a du réel, à savoir que le réel, c'est ce qui se répète, qui est toujours à la même place, et il y a de l'imaginaire qui est du corps, hein, ça se balade un peu partout. Donc est-ce qu'il faut un quatrième terme explicite pour que ce soit noué, ou au contraire, est-ce qu'il n'y en a que trois? Et il dit qu'il n'a pas la solution. Donc c'était pas dogmatique, c'était que des questions. Et quand vous avez écouté ce qu'on a entendu même aujourd'hui, vous voyez comment c'est pour lui très problématique tout ce qu'il avance là. Et c'est tellement nouveau, il était le seul à avancer ces choses-là. C'est pour ça qu'il parlait que de son enseignement comme étant sans équivalent. C'était pas pour le mesurer avec les autres auteurs en termes de valeur, c'était pour dire je suis le seul à parler de ça. Comme Freud, pendant toute sa vie, il était le seul à parler de ce qu'il disait lui, parce qu'il était tolérant à l'égard de tous les auteurs qui l'entouraient, mais au fond, quand on les lit, ils sont loin souvent de ce qu'avance Freud dans sa recherche. Voilà. Pas si vous suivez ça. Mais... Justement, dans le veil entre je pense et je suis, il oscille entre les deux. Il commence par... le je pense, donc là où je pense, je ne suis pas, ça c'est dans les quatre concepts, et ensuite dans la logique du fantasme, qui n'est pas encore officiellement publiée, c'est je suis, il choisit le je suis, donc la jouissance, et là où je suis, ça parle pour moi. Donc il décentre, et la manière de lire le je pense dont je suis, c'est de pouvoir le lire de manière synchronique, comme des antinomies, et c'est là où il faut retrouver, alors puisqu'on oppose facilement la psychanalyse à la philosophie, mais il y a aussi tout le gain et l'intérêt de lecteurs particulièrement avisés comme Lacan de connaître parfaitement bien justement les antinomies kantiennes de la raison pure notamment, pour pouvoir grâce à cette interprétation-là retrouver la voie du sujet. Le sujet, en fait, c'est ce qui différencie vraiment la psychanalyse, c'est que ce sujet dont on parle là, c'est justement pas la même chose, pour le dire très simplement. Donc, et c'est aussi un très grand lecteur de Heidegger, un grand exégète. Il a compris ce que voulait dire Heidegger. Et Heidegger, par exemple, ce qui le caractérise, c'est un concept qui s'appelle la Geworfenheit, c'est-à-dire le fait d'être déjeté. Donc, on peut dire que dans une première perception de l'être au monde, en fait, l'être humain n'est pas de ce monde, c'est-à-dire qu'au fond, il est là pour souffrir, etc. C'est tout le fond de commerce de la religion. Hein. Donc il est en exil sur cette terre, etc. À l'arrivée de Marx, Marx a une position opposée à celle-là. C'est-à-dire pour lui, la terre, en fait, doit être le lieu même d'habitation de l'homme. Il est chez lui, il doit être chez lui sur cette terre, etc. Et en fait, entre ces deux positions qui sont une, disons, l'orientation théologique de départ, et ensuite l'opposition matérialiste que lui oppose Marx, il y a celle de Heidegger, de sa Geworfenheit, comme quoi, en fait, et c'est là où on introduit le Dasein, parce qu'il va reprendre le Dasein qui existe déjà chez Kant, mais là, il le reprend, en l'occurrence, chez Heidegger, comme être déjeté. C'est-à-dire, la Geworfenheit, c'est que l'être est disjoint, il n'est jamais chez lui, quelque part. Sa position originelle, constitutive, c'est d'être déplacé, décalé, déjeté. Donc, à partir de là, le sujet du signifiant lacanien vient s'inscrire là-dessus, puisqu'il est toujours entre deux signifiants. Il n'est jamais directement représenté par un signifiant, puisqu'il est représenté par un signifiant pour un autre signifiant qui ne le représente pas. Donc, il est toujours entre deux. Il n'est jamais vraiment incarné. C'est ce sujet-là. C'est ça la difficulté de comprendre le sujet lacanien, le sujet de la psychanalyse, et ce en quoi, justement, ça nous force à revenir à une inversion logique, c'est-à-dire que le sujet, il ne parle pas, le sujet lacanien à proprement parler, le sujet du signifiant, il est parlé, et c'est par là qu'il s'appréhende. Donc la différence fondamentale, elle est là. Mais effectivement, par rapport à la lecture philosophique, la philosophie se trouve coincée entre, donc comme Patrick l'a démontré tout à l'heure, le symptôme et le fantasme, entre les deux. Donc Lacan, grâce à son objet petit a, qui est l'objet répondant du sujet, puisque l'objet petit a, en fait, ce n'est rien d'autre, au fond, que l'ombre même du sujet dans le monde des objets. Donc il peut être représenté n'importe où, mais il n'existe nulle part, puisque le sujet ne peut pas se rencontrer lui-même en termes d'objet, puisque logiquement, le sujet, dans sa définition minimale qu'en donne Lacan, c'est ce qui n'est pas objet, ce qui n'est jamais objet. Donc dès qu'on en fait l'objet d'une quête, ou l'objet d'une enquête, comme on le fait maintenant, en fait on en fait un objet. Donc la difficulté, c'est qu'il échappe tout le temps à cette dimension-là, puisqu'il n'est jamais objet, par définition même. Donc l'articulation de la philosophie et de la psychanalyse, elle tient essentiellement à cette notion de sujet, sujet du signifiant, sujet de l'inconscient. Et c'est là où il y a vraiment une grande différence avec, disons, la philosophie pré-lacanienne, jusqu'à Heidegger y compris, et les philosophes qui sont capables de prendre en compte l'anti-philosophie de Lacan qui repose sur cette approche du sujet lui-même, sujet du signifiant. Lacan, il s'est un peu inspiré d'Heidegger, mais il n'est pas heideggerien. Ah, bien sûr. Bon, important de dire. Alors, oui, c'est très intéressant ça, parce que au fond, ça me rappelle une plaisanterie que faisait Lacan, puisque tu parlais justement, l'objet petit a qui n'est jamais là, enfin qui est absent totalement. Oui. Alors Lacan, il disait la chose suivante, il disait, bon ben moi, la Bible commence par B, et moi on m'a laissé le A pour que je m'en occupe. C'est une façon de pointer quelque chose là, qui est le nouveau de la psychanalyse par rapport à tout ce qui s'était dit avant. Quoi. C'est assez drôle comme oui, et puis... Alors, je pense donc je suis... Il finit par réduire ça en disant « je pense, je suis, virgule, je suis ». C'est-à-dire « je suis en train de penser, je suis ». Voilà. Donc, je suis en train de penser, il pleut. Voilà, c'est ça que tu avais dit chez lui. Hein? Ça ne peut pas être autrement. Mes pensées, c'est ce que je suis. Je suis dans mes pensées, mais ce n'est pas de la pensée. Hein? La pensée, ça vient du dehors, ça vient de la langue. On pense avec la langue. Voilà, c'est la langue qui pense. C'est la structure justement, qui pense. Justement, comme la langue pense, donc... On ne peut pas se contenter de Daseiner, ça veut dire être là, puisque même dans sa définition même, Dasein, être là, c'est l'inverse du sujet, qui n'est jamais là, il ne peut jamais être là. Donc ce qu'on demande à l'analysant, c'est de ne pas être là, de convoquer son sujet à venir, qui ne peut jamais venir, mais la chose est lancée. C'est une façon de lui dire ce qui t'arrive. Tu y es pour quelque chose. Voilà. En gros. Le sujet récupère la tout ce qui t'arrive, tu y es un peu quand même pour quelque chose. Pas entièrement, bien sûr, puisqu'il y a les autres discours, mais tu y es quand même. Et d'ailleurs, ta seule façon de t'en sortir, c'est de reconnaître que tu y es pour quelque chose. Voilà, de récupérer la responsabilité. Ouais, là pour tout, mais pour quelque chose. Vous avez des questions peut-être ? Vous allez peut-être nous poser des questions dont on n'a pas la réponse, allez-y. De ce que dit Lacan dans le passage qu'on a entendu, supposer même que ce soit la même chose pour le symbolique, qu'il ne soit pas théorique, qu'il soit non théorique, me faisait la réflexion, est-ce que finalement, en essayant de conceptualiser l'émergence du langage, soit à l'échelle de l'humanité, c'est-à-dire avant le père de la Horde, par exemple, pour le mystifier comme ça, ou chez l'infant, avant d'accéder au langage, est-ce qu'on n'aurait pas là affaire à une demi-droite? Et en tout cas, qu'est-ce qui, ensuite, avec le lorsque Lacan amène le quatrième nœud du symptôme, pour tenir le tout, je ne comprends pas bien qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière cette idée de demi-droite infinie. C'est que la logique elle-même, c'est-à-dire qu'il y a deux mots en grec, enfin il y a trois mots, il y a hypos aussi, mais il y a mutos, logos, hypos. Le logos, qui fonde la logique, vient s'opposer au mutos, c'est-à-dire le mutos se transforme en logos. On rentre dans le monde grec à partir de ce moment-là. L'essence de la tragédie grecque, Nietzsche, c'est ça. Lacan n'est pas sans savoir, puisque lui-même a besoin d'un mythe, puisque tu cites le mythe du père primordial de Freud, c'est-à-dire que la logique elle-même est trouée. C'est-à-dire qu'elle ne se tient pas toute seule. Il lui faut un bout de mythe pour raccorder les bouts. Sinon, ça ne marche pas. Donc, c'est le mythe après coup qui vient du père primordial freudien, et pour Lacan, c'est le mythe de la lamelle. Mais il y a besoin de raconter une histoire qui vient boucler quelque chose qui ne se tient pas en soi, c'est-à-dire l'inconsistance de la logique elle-même. Voilà. C'est en ça où le symbolique n'est pas forcément un cercle, contrairement à l'imaginaire, puisque l'imaginaire, en fait, c'est là où on est, par exemple, on comble tous les trous. Ce que tu dis, c'est que ce mythe viendrait tout teaser, entre guillemets, de donner la possibilité d'en faire une boucle quand même. Voilà, ça vient boucler comme une fermeture sur un collier qui n'est pas de la même nature, qui vient fermer le truc, mais c'est du mythe et c'est pas de la logique, c'est pas un arsenal conceptuel, c'est pas du même ordre, c'est-à-dire des articulations conceptuelles parfaitement articulées entre elles, comme les a mises en place Lacan. Là, il raconte une histoire, donc imaginez qui se glisse sous la porte comme une amibe, etc. Voilà, ça c'est le mythe de la lamelle qui vient... La part de vie perdue qui s'échappe. C'est ça. Donc c'est la logique elle-même. Et donc par exemple, voilà qu'elle est un penseur comme Schelling, justement, il a éprouvé lui ça en faisant trois versions des origines du monde, des Weltalter. C'est-à-dire, il, par ses spéculations théologiques, il arrive jusqu'à une chose que reprend Lacan, c'est-à-dire l'insondable décision de l'être. C'est-à-dire le choix inconscient du sujet qui se choisit lui-même, il a une propension à déployer une théologie tellement puissante, il va très très loin avec des jeux logiques, ce qu'était Dieu avant d'être Dieu lui-même, par exemple, c'est le truc des Weltalter. Il en fait trois versions, il n'y arrive pas. Mais en fait, les Weltalter consistent plutôt dans ces trois échecs ratés qui en font une sorte de tout raté, mais qui montre justement que la logique elle-même est trouée. Voilà. Ça, c'est une manière aussi de dire pas tout et de réintroduire le réel lacanien. C'est comme ça que je l'entends. C'est-à-dire que où Lacan se facilite le travail, c'est que il dit, faut pas se poser la question de l'origine du langage. Donc la question des origines ne peut pas se poser. Elle peut se poser qu'à travers des mythes, éventuellement, dont celui de Totem et Tabou par Freud, parce qu'il dit, ben, le langage, il est là depuis toujours, pour nous. Toujours, ce que ça veut dire, j'en sais rien. Et il sera là après notre mort, c'est ça qu'il dit. Par conséquent, puisqu'on parle de l'enfant, quand le bébé qui naît, en gros, en fait, lui, il est pris dans un bain de langage. Ça parle autour de lui, ça a déjà parlé avant sa naissance, donc quand il sera né, la façon dont on a parlé de lui, ça se répétera dans le discours des parents, et lui, l'enfant, il n'apprend pas à parler, il s'imprègne de la langue. Et petit à petit, dans son dialogue, disons, avec sa mère, à partir de l'allalation, le babi, tout ça, il va petit à petit discerner des traits qui ne sera plus le chewing-gum de la langue, ça sera des mots qui prendront un certain sens, qui vont le fixer. Donc il passera de ce qu'on appelle au départ, à partir de l'allalation de l'enfant, comme il parle du ronron du chat au début de la troisième, c'est pas par hasard qu'il en parle, pour montrer que la jouissance, elle est de tout le corps. C'est ça qu'il veut dire avec le ronron du chat. Donc l'enfant, c'est pareil. Et puis ensuite, sa lalation va devenir babille. Donc avec la mère, le dialogue, il va... La mère, c'est... Moi, je parle de la mère, parce que c'est la chose la plus fréquente dans l'histoire de l'humanité. C'est quand même la mère qui est la première à s'occuper de son enfant. Je ne vais pas prendre à part les différentes configurations où il n'y a pas de mère, ce n'est pas le problème. Donc, c'est là qu'il va être introduit à ce qu'on appelle la langue maternelle, entre deux, qui va devenir ensuite la langue de la contrée. Et quand il ira à l'école et qu'il apprendra l'orthographe, c'est-à-dire toute l'orthographe, la grammaire, la syntaxe, toutes ces choses-là, il passera que son idiome de la langue maternelle proprement dite va passer à l'idiome de son pays, la langue de son pays, avec tout ce que ça suppose comme perte d'un certain nombre de phonèmes, parce qu'à l'origine, tous les enfants, ils ont la gamme de tous les phonèmes possibles, et que dans chaque langue, on en oublie, on peut pas. C'est pour ça qu'il y a des prononciations qu'on ne peut pas faire. Voilà, Lacan il fait une économie considérable en prenant pas le départ de chercher une origine. Il interprète très bien d'ailleurs le totem et tabou. Chez Lacan c'est simple comme bonjour le totem et tabou. C'est-à-dire que l'histoire du père de la horde primitive, comprenez le père, il dit le père qui jouit toutes les femmes. Alors Lacan il dit, comprenez, déjà un homme il a du mal, alors jouir toutes les femmes c'est vraiment... Bon, il rigole quoi, quand il prend le truc. Quoi. Il dit, en plus de ça, bon, alors les fils, ils en ont ras-le-bol, ils le trucident, et puis ils se réunissent entre eux et ils décident, après avoir mangé, c'est normal, les lions sont cannibales, c'est des sauvages. Et alors, il se pose la question, il dit, mais après tout, ils sont tous fils, d'accord, mais ils sont pas tous fils de la même mère, donc pourquoi ils se précipitent pas sur les femmes? Ils pourraient avoir accès à la jouissance qui était celle, la jouissance du père, qui était la toute jouissance. Il dit tout simplement parce que c'est les lois de l'exogamie. Hein. Il y a intérêt à pas coucher avec les proches, parce qu'il faut trouver d'autres femmes pour pouvoir s'étendre et se multiplier. Sinon, si on est dans l'endogamie, on en crève. Quoi. Ça tourne en rond, ça c'est déjà arrivé, mais c'est comme ça. Voilà, il prend ça comme ça, lui. Donc il prend bien à l'origine qu'on ne peut pas tuer le père puisqu'il est mort à l'origine. L'orang-outan originaire, il devient père que lorsqu'il est mort. Avant, il était pas... Alors vous voyez, c'est une articulation logique, c'est le rapport mythique. Entre le 0 et le 1. Oui. C'est mythique. Mythique. Ouais. Non mais il donne une articulation logique par rapport à Freud. C'est-à-dire que lui, il ne le traite pas simplement du point de vue du mythe, mais il le traite du point de vue de la logique. C'est le rapport entre le 0 et le 1. Et Lacan, il dit bien que le zéro, déjà, c'est la marque du sujet. Hein, c'est déjà une marque. Si sujet, en tant que du signifiant, c'est déjà il est déjà marqué du signifiant. Ensuite, il va y avoir le trait unaire qui va lui faire une marque réelle. Et c'est qu'au troisième terme que la répétition va commencer, qui sera dans le langage. Voilà. C'est comme ça qu'il traite la question des origines. Et à l'origine, il ne se la pose pas parce qu'il dit qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Au sens où il n'y a pas de rapport entre le signifiant et le réel. Il y a un trou entre les deux, et ce trou, il existe dans tous les discours, quels qu'ils soient, de la science, donc du capitaliste, du maître, de l'universitaire. Il y a un trou central, il y a que la psychanalyse qui le met en fonction dans sa pratique, justement. Et puis c'est comme ça, et voilà, c'est comme ça qu'il règle la chose. Hein. Et simplement, il y a un truc qui se passe, c'est que comment se fait l'articulation entre le réel et le symbolique, puisqu'il n'y en a pas, ben, il dit qu'il faut passer par le moyen de l'amour. Alors l'amour, évidemment, vous savez qu'il y a des thèmes hein, sur l'amour. Mais il va donner une définition très intéressante. Vers la fin, il va dire que l'amour, c'est l'imaginaire spécifique de chacun. Alors c'est pas le spéculaire, c'est pas simplement le spéculaire, parce que ça c'est un faux imaginaire, c'est le reflet dans le miroir. Il va dire que c'est l'imaginaire réel, l'imaginaire vrai. Hein, c'est les termes qu'il utilise au début. Et il dit on ne sait pas, justement, où se passe la frontière entre le réel du corps vivant, du vivant, et du corps qui se constitue comme forme. Hein, vous voyez, il se sert bien de ces choses-là. Et c'est par le biais de l'amour, comme étant l'imaginaire spécifique de chacun, mais l'imaginaire spécifique de chacun, c'est là qu'il situe le corps dans son œuvre roméen. Le corps comme forme. Et alors, actuellement, les biologistes un peu à la pointe, parce que ils ne sont pas tous à la pointe, il y en a qui sont encore, je ne sais pas où. Ils ont compris qu'au fond, vu le réductionnisme scientifique qui existe à l'heure actuelle, y compris en biologie, puis vous comprenez, quand on fait des expériences que sur les souris et que sur les rats, ben, on finit par pas trouver grand-chose. Quoi. Hein, on nous réduit à des rats ou à des souris, ça ne va pas. Les neurosciences, c'est un peu ça quand même. Ils ont compris que la forme, elle intervient sur le génome. Hein, c'est très important. Elle intervient sur le génome, elle intervient donc sur le développement de l'individu. Donc il y a peut-être une structure, une stabilité génétique, encore que la génétique, bon, il y a une stabilité génétique, mais les formes que va produire la première cellule pour aboutir à un être à plusieurs, très, très complexes, il y a des tas d'étapes qu'on ne sait pas comment ça fonctionne, mais que la forme, il y a un rôle. Lacan, il l'avait très bien repéré à propos du criquet pèlerin. Il disait, quand le criquet pèlerin est élevé tout seul, il ne peut que rester pèlerin toute sa vie tout seul. Il faut qu'il y ait des confrères, enfin d'autres pèlerins, pour qu'il devienne un animal grégaire. Et on s'aperçoit dans l'élevage des animaux sauvages que c'est la même chose. Les animaux qui sont nés en captivité, des lions, des tigres, on en fait toujours des expériences comme ça. C'est très compliqué de les remettre dans la nature parce qu'ils sont identifiés à l'entourage domestique qu'on leur a donné. Et quand on les lâche dans la nature, ils ne savent plus comment faire. Souvent, d'ailleurs, ils se font tuer par leurs propres les autres animaux. C'est très difficile de les réadapter. Donc, l'intervention de la forme sur la structure. Et c'est une question essentielle chez Lacan. Hein, est-ce que c'est, alors, le nouveau roméen, est-ce que c'est de la forme ou est-ce que c'est de la structure? Il en parle tout le temps. Parce que le nouveau roméen, ça ne fait plus partie de démonstrations logiques et mathématiques. Ça se montre. Ouais. Voilà, c'est comme ça. Pourquoi c'est le réel? Pourquoi c'est réel? C'est parce que ce nœud, il est réel. C'est ça, voilà. Hein. On vous fait un nœud, c'est réel. Si on le coupe, vous voyez qu'il n'y a plus de nœud. C'est comme ça qu'il déplace les choses pour avancer dans ses frayages. Quoi. Bon, il est presque l'heure. Hein. On s'arrête là. Hein. On en a dit beaucoup, mais on avait besoin de s'échauffer et puis de brosser un peu l'horizon de la suite. Voilà.